Zit. Il est rare de trouver une femme de théâtre qui n'espère pas ou n'est pas espérée faire un beau mariage, qu'elle ait ou n'ait pas de talent, peu importe. Chez celle qui en a, la vocation matrimoniale est la même, s'il n'est pas plus ardente, que chez celle qui n'en a aucun, comme si, pour toutes, la scène n'était qu'un lieu d'exposition bon à les mettre en belle lumière et en valeur, un champ de foire où l'on parade en attendant l'acheteur. Que les obscurs, qui par les dons naturels ou le travail ne sont rien et n'arriveront à rien, veuillent échanger la vie de galère dans laquelle elles traîneront à jamais leurs boulets contre une plus heureuse, cela s'explique. Mais les autres, les brillantes, que la nature a douées de la beauté ou du talent, celles qui par le travail de leur jeunesse sont arrivées au succès, pourquoi cette ambition qui n'est qu'une déchéance, comment le mariage leur paiera-t-il les sacrifices qu'elles font? Toutes, étoiles ou pauvres diablesses, s'imaginent qu'elles rencontreront dans un beau mariage la fortune d'abord, cela va de soi, et en plus la considération ou les triomphes mondains en même temps que le respect familial. Être grande dame ou simplement femme honnête pour de bon et non plus de semblant, au hasard d'un rôle, qu'elles rêvent. La vérité est qu'il s'en trouve qu'il mériterait ces triomphes mondains, comme il peut s'en trouver aussi qui aurait droit à ce respect familial. Et cependant, la dure expérience ne tarde point à leur prouver que quoi qu'elles soient et que quoi qu'elles fassent, elles ne les auront jamais, alors qu'ils iront spontanément à la bourgeoise la plus insignifiante. C'est que femmes de théâtre, elles ont été. Femmes de théâtre, elles restent. Par cette simple raison qu'il y a des professions qui vous marquent d'une empreinte indélébile, et que de même que le prêtre défroqué ne se débarrasse jamais de la robe qu'il a portée, la comédienne n'efface pas le rouge dont elles sont maquillées, aussi indestructible pour elle que le sang sur les mains de Lady Macbeth dont elle a peut-être joué le rôle. Est-ce à dire que le monde, le grand comme le bourgeois, n'a pour elle que mépris ou dédain? Les choses ne vont pas jusque-là, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle n'y est point admise en égale. Quand on médit d'elle, ce n'est pas du tout de la même façon que de la première venue, et contre elle toute accusation est acceptée à l'avance. Vous comprenez? Est-ce qu'un mari jaloux de sa femme l'est de l'élève du couvent à la mode comme de l'élève du conservatoire? Et plus tard, quand elle marie ses filles, quel sentiment rencontre-t-elle auprès de son gendre et de la famille de celui-ci? L'Église a pu relever les comédiens de l'excommunication si longtemps prononcée contre eux, le monde n'en est pas arrivé à son indulgence. Que faire à cela? Rien, si ce n'est ne pas quitter le théâtre, quand on y tient une place si petite qu'elle soit, et rester libre maîtresse de sa vie comme de ses sentiments. C'est avec ces idées que j'écris Zit, mais sans pousser les choses jusqu'à la thèse. L'exemple suffisait. Qu'au lieu de subir le préjugé du beau mariage, Zité obéit tout simplement à l'impulsion de son cœur et devint la maîtresse de Gaston, il était possible qu'il lui restât toujours, et que leur amour, que rien ne traverserait, se transforma en une liaison indestructible, comme il n'est pas rare d'en rencontrer au théâtre, où collage est plus fort que mariage. Cette conclusion n'est pas morale, dira-t-on. Assurément, mais le théâtre n'a rien à faire avec la morale. Faut-il dire que la famille du Châtelier n'est pas une fantaisie d'imagination? J'espère qu'on voit que c'est un tableau teint d'après nature, avec son mélange de vertus bourgeoises et de vie de bohème dans le cabotinisme le plus misérable. Zité eût-elle été possible telle que je l'ai montrée sans son éducation dans ce milieu? Je conviens qu'il peut dérouter les idées courantes sur ces pauvres comédiens ambulants, en qui la régularité bourgeoise ne veut voir que des êtres abjects, simplement parce qu'ils sont désordonnés. Mais il n'y a jamais à se demander si l'on bousculera ou ne bousculera pas la tradition. Rendre ce qu'on voit, ne pas s'inquiéter du reste, je n'ai pas inventé le pain béni de la mère du Châtelier, ni ses prières, ni son honnêteté. Vrai aussi est la première tournée de Joseph, et je l'écrite, avec la représentation à l'usarche, celle à Louviers, la main tendue sur le pont de Pierre de Rouen, tel que me l'a raconté le comédien arrivé, qui a commencé par là une carrière que le talent a dégagée brillante des misères du début. Enfin, vrai aussi la leçon de Mademoiselle Rousseau sur l'interprétation du rôle de Chimène. Seulement, c'est Mademoiselle Dudley, de la Comédie française, qui l'a faite, non à Zité, mais à celui qui l'a reproduite, imparfaitement par malheur, et sans l'élan d'inspiration, sans les éclairs de celle qui l'improvisait.